Il est 20h sur Fadjet.net et Fadjet94.2, c'est l'heure de Music Live. Alors, générique, Patrick! Music Live avec Yo sur Fadjet. Tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois à 20h. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue les amis de la musique vivante, des ambiances de concert pour un nouveau numéro de Music Live. Ce soir, je vous amène, et en exclusivité, parce que vous ne le trouverez pas en album ni quoi que ce soit, en concert. Et quel concert ? Celui de Mark Knopfler pour sa tournée d'adieu en 2019, et dans la région, puisque c'était au Zénith de Strasbourg, qui, je vous le rappelle, est le plus grand Zénith de France, avec 12 000 places intérieures, avec celui de Nancy en open air, qui fait, lui, 25 000 places. Mark Knopfler, que l'on présente plus, sinon, allez, sur l'IA ou chez les amis Google ou Wiki, a bien confirmé sa retraite ce jour-là des longues tournées après avoir dit en français à son entrée « Bonsoir Strasbourg, no time !» Il confirma dans le début de concert « C'est la dernière » et face à la réaction du public, il rajouta « Vous savez, je suis vieux maintenant, je suis grand-père. » Il avait 70 ans en 2019, il aura 77 ans le 12 août prochain. C'est pour cela que ce soit un concert doux et tendre. Et cette formule fonctionna particulièrement bien pour mettre en valeur ses talents d'auteur et de compositeur, laissant en retrait le guitar-héros qu'il fut, et tout ça grâce à un board excellent où pour la première fois figurait un violon, une flûte traversière, une flûte de pan, un saxo, une trompette, une mandoline, de multiples percussions et bien sûr la rythmique de base avec batterie, guitare et basse, clavier et piano. En tout, 11 sur scène pour un concert joyeux et très émouvant par moments, et à bande menée comme d'habitude par le fidèle Guy Fleischer. Émouvant par moments aussi, Guy Fletcher est le dernier acolyte du Dire Straits Band. Si Sultan of Swing n'est plus dans sa setlist car les doigts se grippent un peu pour un guitariste au bout de 40 ans de scène, il lui est impossible de ne pas garder les titres de Dire Straits associés à ses compositions personnelles depuis la fin du groupe des années 90. Quel morceau ! Toujours avec la même et belle inspiration, ses formidables arrangements qu'il a depuis le tout début. Car quel compositeur ce Mark Knopfler ! 6 albums cultes avec Dire Straits, 4 lives, 10 compiles, 18 albums en solo et live, seul ou avec ses amis, et autant de compiles. Je l'avais vu déjà 3 fois en concert. La première fois, c'était évidemment avec Dire Straits dans les années 80 à Paris, une vraie folie avec des morceaux qui faisaient plus de 15 minutes. Toujours à Paris dans les années 90, je l'avais vu avec les Notting Billies, puis enfin au Rocal à Esch-sur-Alzette il y a quelques semaines après Strasbourg. Scène fond bleu, pantalon noir et chemise bleue, le voilà qui rentre sur scène. Alors je me tais, appréciez comme il se doit Mr. Mark Knopfler, et on se retrouve juste après le concert. Please welcome back to Strasbourg, Mark Knopfler. We'll be right back. Jusqu'à 21h, c'est Music Live sur Fadjet. Thank you. love-struck Romeo is gonna serenade, laying everybody low with a love song that he made. He finds a streetlight, he steps out of the shade. He says, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack." It's underneath the window. She's singing, "Hey, la, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, yeah, and you exploded in my heart. And I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Stop filming, please. It's put me on. Thanks. Merci. We come up on different streets. Both were streets of shame. Both dirty, yeah, both mean. And the dream was just the same. You dreamed your dream for you. So now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? You can fall for chains of silver. You can fall for chains of gold. You can fall for pretty stranger and the promises they hold. You promised me everything. Yeah, you promised me thick and thin. Now you just say, "Romeo, yeah." You know, I used to have a scene in Juliet. When we made love, to cry, love you like the stars above. I love you, baby, till I die. When there's a place for us, you know the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. I can't do the talks though, like the talks on TV. And I can't do a love song the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you. All I do is keep the beat in rock and roll company. Oh, and all I do is kiss you through the bars of rhyme. Julie, I do the stars with you, baby. Anytime, Julie. Serenade, laying everybody low with a love song that he made. He finds a streetlight, he steps out of the shade. He says something like, "You and me, babe, how about it?" Merci beaucoup. Retrouvez Lionel, dit Yo, avec son émission Music Live. So there he was then, Penzance to play, Christmas Eve, in a nowhere band. Now early morning, Christmas Day, he's hitching home to Geordie Land. Last night the snow came, just my luck. And who the hell do you think you are, climbing up into that truck with your old bag and your guitar? In a year you would be vagabond, no one invited you, you know. Matchstick man, up in the dawn, you've got 500 miles to go. Drop off his load, snow still laying thick on the ground. Leaves him on a high crossroads where he can see for miles around. The sun is shining, sky is blue, and everything is white and bare. Not a car comes into view. There's nothing moving anywhere. And you would be vagabond, no one invited you, you know. Matchstick man, speck upon these vast and silent plains of snow. Sudden bows and their bell. Prius three-story garbage trucks got the city to themselves. Breakfast stores, dinosaurs, all doing the monster move. The taxis and the home, took place so quick, and all I guitar. I should learn to go banging on them drums. I think she got it sticking in the camera. Yes, yes, yes, I have to give her. What's that now? Oh, rocking noises, banging on his bongos like a chimpanzee. Still Music Live, de 20h à 21h sur Fadjet. Written in the starlight. Music Live sur Fadjet. Thank you. comme c'était bon ce concert, même si c'en est qu'une partie, hein, parce qu'en tout il durait 1h45, et que ce soit à Esch-sur-Alzette ou à Strasbourg, c'était vraiment vraiment magnifique, et en plus il était en très bonne forme, et il a parlé pas mal avec le public luxembourgeois, en français évidemment, et aussi avec celui de Strasbourg, et c'est vraiment deux concerts émouvant, parce que en sortant on se dit c'est pas possible qu'on va plus le revoir, quoi. Alors évidemment il fait plus de scène, mais il va continuer à produire, il continue à faire des albums, puisque à ce jour, depuis cette tournée de 2019, il en a déjà fait deux, et puis aussi des participations à des albums des uns des autres. Tout ça vous pouvez voir en suivant son site sur internet. Voilà, bon, il est temps déjà de se quitter. Merci à vous tous de votre fidélité. On va se retrouver dans 15 jours, même endroit, même heure, pour de nouvelles aventures, et toujours en musique live. On retrouve Z dans quelques minutes et son parfum d'étoile. Belle soirée à vous, et n'oubliez pas, allez au concert, que ce soit les grands, les petits, les festivals ou au bistrot du coin, et soutenez la musique vivante avec de vrais artistes. À très vite, ciao !